Chapitre 27e. Un soir que Jacques et le comte étaient allés prendre une tasse de thé chez la baronne, celle-ci fit un petit signe à son amie et lui dit à voix basse « Regardez donc, je vous prie. » Monsieur de Garamante suivit la direction de son regard et vit une jeune fille assise au fond du salon, près d'une table couverte de revues et de journaux illustrés qu'elle feuilletait négligemment. « Comment la trouvez-vous ? » dit la baronne en souriant. « Fort bien, ma foi, qui est-ce ? Blanche Haute-Claire, une parente du médecin, sa fille. Tiens, je ne savais pas qu'il fût marié. Sa femme est morte. Quel âge ? 19 ans. 200 000 francs de dot. Je ne vous demandais pas cela. Bon, à partir de 16 ans, le chiffre de la dot fait partie de l'âge d'une jeune fille. On ne demande pas l'un sans l'autre. Charmant. Et vous croyez que... Dame... À moins que je ne l'ai fait venir ce soir pour lire le tour du monde. Est-ce qu'elle se doute de quelque chose? Allez donc lui demander. Est-ce qu'on sait jamais avec ces gamines-là? J'ai parlé hier devant elle et son père de la visite que vous m'avez fait faire l'autre jour à l'atelier de votre ami Henriot, ce qui m'a fourni l'occasion de dire tout le bien que je pense de lui et de son talent. Elle vient de l'entendre annoncer et s'est remise à lire sans avoir l'air de le regarder. Cela n'empêche pas qu'elle l'a vu, je vous en réponds. Et maintenant, si vous croyez qu'elle juge cette rencontre-là fortuite, c'est que vous connaissez bien peu les petites filles, comte. Allez causer avec le papa, et ne manquez pas de lui dire qu'Henriot joue le whist. Moi, je me charge de la présentation des jeunes gens. Cela ferait tout à fait l'affaire, vous savez. Douce, sage, modeste et poinçotte. Et puis, voyez donc le joli minois. Elle était charmante, en effet. Les bandeaux plats de ses cheveux châtains descendaient bas sur le front et donnaient quelque chose de virginal à son visage éclairé par des yeux dont le bleu profond semblait presque noir, à l'ombre des longs cils soyeux. La baronne mit en train une petite conversation entre Jacques et la jeune fille, puis s'éloigna pour aller recevoir quelqu'un qui entrait, revint au bout d'un instant près d'eux, afin d'empêcher que la solitude ne les effarouchât, se fit remplacer par le comte, puis par son mari, et par M. Haute-Claire, déploya enfin les 1000 ressources de cette stratégie à laquelle une femme du monde qui sait son métier doit recourir en pareil cas pour cacher ses petits projets. Elle manœuvra si bien qu'il était minuit et que l'on commençait à se retirer quand les deux jeunes gens s'aperçurent qu'ils avaient passé la soirée à causer ensemble. Rien ne vaut un salon pour ces innocents tête-à-tête et même pour d'autres qui le sont moins. Que des mystérieuses et pudiques fiançailles se sont faites de la sorte. Que de cœurs aussi se sont donnés sans en avoir le droit, au milieu du murmure discret qui couvre indifféremment les duos de la pure tendresse et ceux de la passion coupable. Qui dira ce que les salons font le plus, des mariages ou des adultères? Ce mois-là, Jacques rencontra souvent dans le monde la fille de M. Haute-Claire. La baronne prenait goût à cette petite campagne matrimoniale, la première qu'elle eut encore dirigée. Elle trouva d'utiles auxiliaires dans ses amis. On sait que les femmes du monde ont formé une société d'encouragement au mariage qui recherche les candidats, presque aussi rares que les danseurs aujourd'hui, facilite les vocations et prépare la tâche de monsieur le maire et de monsieur le curé, de la même façon que les rabatteurs aident les chasseurs, en poussant vers eux le gibier. C'est une aimable et discrète franc-maçonnerie, dont les affiliés ont juré guerre à mort au célibat et qui, combattant au nom d'un principe, avec le pieux acharnement de la foi, se félicite quand elle fait des heureux, ce qui peut arriver, et ne songe jamais à s'accuser quand elle fait, ce qui s'est vu, des victimes. Les deux jeunes gens se trouvèrent enveloppés par les liens invisibles d'une édifiante conspiration. Une quinzaine de femmes vieilles ou jeunes complotèrent leur bonheur. Quelques-unes n'avaient pourtant pas à se louer du mariage, au contraire. Mais quoi ? C'est une si belle institution ? Qu'on ne peut vraiment pas plus la rendre responsable des fredaines de quelques mauvais maris, que la religion elle-même des péchés de quelques mauvais prêtres. D'autres, dans le nombre, avaient été comme la baronne, plutôt sans peur qu'elle n'était sans reproche. On ne s'étonnera pas d'apprendre que celles-là témoignassent plus de zèle encore que les autres. Cette œuvre pie d'unir deux cœurs sous le joug sacré. Qui sait même si le mérite de cette vertueuse propagande ne suffit pas à réparer aux yeux du juge les menus peccadilles qu'on peut avoir à se reprocher. Quoi qu'il en soit, Mademoiselle Haute-Claire et Henriot se retrouvèrent plusieurs fois par semaine dans la même loge d'opéra, au même dîner, à la même soirée. Par un accord tacite, on plaçait Jacques et Blanche à côté l'un de l'autre. On les laissait ensemble, et l'on se contentait de surveiller sournoisement le progrès de leur intimité. Le monde paternel et narquois n'avaient garde de les déranger, se disant peut-être, le sceptique, qu'il en aurait bien le temps plus tard. Il en a tant vu de ces vierges timides et rougissantes qui se mettent un beau jour à jeter leur bonnet par-dessus les moulins, en regrettant seulement qu'ils ne soient pas plus haut. Tant vu aussi de ces amoureux transis qui se dégourdissent tout à coup, après le sacrement, et prennent feu comme un morceau de bois sec pour la première femme qui passe autre que la leur. Jacques laissait aller les choses en évitant de s'engager à fond. Évidemment, le peintre plaisait à M. Hauteclerc et ne déplaisait point à sa fille. Le malheur, c'est qu'avec la meilleure volonté du monde, il ne se sentait pas du tout épris. Il n'évitait point les occasions de la voir, mais ne les recherchait pas non plus. Quand il avait travaillé tout le jour à son grand tableau et que venait l'heure de quitter l'atelier pour aller dîner, puis passer la soirée dehors, ce n'était point sans un peu de regret qu'il endossait son habit. Non pas qu'il eût rien à dire contre la charmante enfant qu'on lui offrait et qui ne se refusait pas. Mademoiselle Hauteclerc avait du sérieux dans l'esprit, une simplicité parfaite, avec quelque chose de résolument honnête qui plaît dans une jeune fille dont on veut faire la compagne de sa vie. Elle ne ressemblait guère à certaines petites poupées parisiennes, mal élevées, frivoles, écervelées et vaniteuses, qu'une éducation imprévoyante démoralise comme un plaisir et qu'on semble dresser non pour l'époux, mais pour l'autre. Jacques rendait justice à toutes ses qualités. Il avait de l'estime pour elle, et beaucoup. L'entraînement, le je ne sais quoi, faisait défaut. Monsieur de Garamante, qui avait soigneusement évité de paraître se mêler de l'affaire, la suivait de loin avec l'intérêt le plus vif et commençait à concevoir des inquiétudes. Il avait essayé deux ou trois fois de sonder adroitement son jeune ami. Jacques, si confiant d'ordinaire avec lui, toujours prêt à prendre conseil de son expérience et de son affection, s'était dérobé. Le comte, sachant de quelle pudeur Henriot revêtait ses sentiments intimes, renonça à l'interroger et attendit. La baronne, qui commençait à s'impatienter de ses longueurs, elle était de ces femmes qui, dès lors qu'elles se sont mises en tête de marier quelqu'un, songent à la layette du bébé, résolut de tenter une petite épreuve. Quelques mots de Jacques lui avaient appris qu'il aimait beaucoup la musique. D'autre part, Mademoiselle Hauteclerc passait pour avoir un assez joli talent au piano et de la voix. Un jour qu'elle recevait seulement des intimes, la baronne demanda à sa petite amie de jouer quelques morceaux. Comme une brave fille qu'elle était, Blanche, sans se faire prier ni trop rougir, attaqua la partition de la favorite. On la félicita fort de son exécution, qui ne manquait en effet ni de finesse ni d'agilité. Elle était toute heureuse, et promenait de son père à la baronne un regard reconnaissant et confus qu'elle n'osait arrêter sur l'homme dont l'approbation aurait eu plus de prix à ses yeux que tous les éloges. Jacques se décida, le dernier, à lui faire un petit compliment. Mais quelques minutes après, une discussion s'étant élevée sur les mérites respectifs de la musique allemande et de la musique italienne, la jeune fille, très attentive à tout ce qui se disait, l'entendit professer hautement sa prédilection pour les Allemands. Elle se détourna pour rougir, et une ombre de tristesse passa sur son charmant visage. Était-ce sa faute à elle si son père ne pouvait souffrir que la musique italienne, et si sa maîtresse estimait que, hors Rossini et Donizetti, il n'y a pas de salut? Elle n'en savait pas de musique allemande, et que n'aurait-elle pas donné pour en savoir ce soir-là? On lui demanda de chanter quelque chose. Cette fois, il fallut insister, car elle avait une peur affreuse. Sa voix chevrotait un peu quand elle donna les premières notes du soir de Gounod. Le soir amène le silence. Assis sur ces rochers déserts, je suis dans le vague désert, le char de la nuit qui s'avance. La baronne, qui observait Henriot, le vit tout à coup pâlir et se lever brusquement. Il passa la main sur son front et resta debout contre une porte, immobile, les yeux au plafond, tellement absorbé qu'il ne prit pas part une seule fois aux applaudissements et oublia de féliciter la jeune fille quand elle eut fini. Mademoiselle Hauteclerc s'en aperçut et souffrit de cette indifférence jusqu'à se sentir envie de pleurer. Elle tourna pourtant vers lui un beau regard humide, chargé de reproches très doux. Il lui sembla que la figure de Jacques exprimait un dédain farouche. Alors la pauvrette sentit vaguement que quelque chose d'irréparable venait de s'accomplir. Elle ne comprit pas, mais devinant que le cœur de l'homme qu'elle commençait à aimer en secret était à jamais perdu, la jeune fille se leva, vint à lui et très simplement « Adieu, monsieur, » dit-elle en lui tendant la main. Il prit cette petite main froide qui tremblait un peu et la garda quelques secondes. « Adieu, mademoiselle, » fit-il enfin avec effort. Ce fut tout. Ils ne se sont jamais revus. Il y a ainsi beaucoup de romans commencés par des jeunes filles qui ne vont pas plus loin que le premier chapitre. Seulement, certaines mettent dans ces quelques pages beaucoup plus qu'on ne pense, une fraîcheur de sentiment, une suavité de tendresse qu'elles ne retrouveront pas plus tard. C'est affaire à l'homme qui les a inspirées, ces saintes amourettes, de garder éternellement de la reconnaissance et du respect pour la femme qui lui a ainsi donné les prémices de son jeune cœur.